quand on dirait j'ai juste envie de l'appeler papa, là. Bon, on sait que c'est leur père, là, fait que quand c'était papa qui jouait de la guitare, là, il y a des gros, gros applaudissements, là, mais très intenses, au point que, en tant que spectateur, ça pouvait camoufler la musique, fort comme ça. Du moins, le monde autour de moi, il gueulait plus que les autres. Mais c'était beau de donner autant. Et quoi qu'en même temps, voir enterrer la guitare, c'était pas si pratique non plus. Mais pour moi, je l'analyse tout simplement comme de la générosité et une très grande appréciation de la musique. C'était plus survolté durant « Ton bébé va être brun ». Ah là, le monde connaissait les paroles. Ça sautait, ça dansait, ça s'énervait et ça prédisait déjà à un certain degré, parce que ça sera inégalé par rapport à l'énergie qu'il y aura dans la foule pour Lord Larry Adjust. Mais avant cette critique, on va en écouter tout de suite Brown. So my mind out of the nice flow, black and white, yo, come I go, so to fight for it, you fight for, dans pipe, dans mon bateau. Yeah, fait que j'construis le pont, moi, là. Il me dit de t'avec moi, de contre, mais damn. Brown, c'était ma réponse, noiga. J'vais appeler le milieu de veine, auquel toi je monte, noiga. Relax, yeah, j'ai dit relax. On jase, mais t'as pas besoin de claps. C'est toujours la même affaire quand on parle de ça. Les gars, bien des motifs, pis le vite, ben le chic clac, noiga. Remix, ça, et puis Jack, Ave, bûcheron et moi, tu restes, trop de faire le go axe, faut des bébés bruns par tout le monde, wiggle buzzy back, yeah. Chicken dans ma cabane, j'prends pas le wiggle. On parle le bras, prends ton ball, le wiggle. Pas pour s'en voir le brown power, j'étais daddy, me chicane, in fact, j'ai dit ok, chalop, yeah. Black and white, god, yes, sérieux, y'a des marles. Meanwhile, j'ferme mes green eyes, j'veux pas voir ça. Faites chier, geek, des frais points, mange un charde, il se fâche comme, mais c'est l'arbre, il va pas voir comme, yeah. But I really shit out, yo. Buy a piece of my brown bone. Thousand puss, moi pis mes noigas on va s'en foutre. Y'ont des grandes bouches qui se mangent. Me, yellow, purple, black or white, we will see the light. Everything will be alright. Mon bridge, tout est mon bridge, fais des bras. Voilà la line, voilà la line. Follow me, t'es dans mon équipe, t'es dans mon équipe. Y'a mon wig, c'est pas black or white, c'est pas black or white. Quoi de quoi? Y'est dans mon chillin', j'suis dans ton chillin'. What about ton chill wig? Black, white, brown sur l'album Brown. Vous écoutez toujours Critique de Crowd sur les ondes de CISM. Et voilà Lord Larry Adjust. Que dire? Déjà, je ne suis pas... Je suis une spectatrice parmi tant d'autres. Et une de mes questions, en sachant que Lord Larry était booké pour les festivités, c'est à quel point il allait chercher beaucoup de monde dans l'optique où ils avaient fait quand même le Metropolis il n'y a pas si longtemps. C'était quoi? C'était au mois de décembre, le spectacle. Comment à ramener de sa crowd, ça prend combien de temps pour, disons, avoir une foule de 1000 personnes? Parce que c'était le cas. À la SAT, il y avait 1000 personnes qui étaient dedans, enthousiastes, qui étaient fous comme cette vague de rap québécois où le monde sont complètement chaotique dans les spectacles. Je pourrais pas dire combien de temps ça prend pour ramener une aussi grosse foule, mais je crois que les fans de Lord Larry sont très fervents. Oui, autant que des Dobies. J'ai un peu les mêmes parallèles parce que question crowd, c'est assez similaire. un trash qui n'a pas vraiment de limite. On sait pas comme de où il a commencé, puis où c'est qu'il se termine exactement dans la foule. C'est flou. Mais s'il y a quelque chose qu'on peut te dire, c'est que oui, c'est en quelque sorte dangereux. Hii, fais attention à tes lunettes, garçon. Je dis lunettes et c'est pas pour rien, parce qu'il y en a un, dès la première chanson, il se les a fait péter. Ah, ça commence bien le spectacle, mais ouais. Au moins, ils ont ramassé. J'espère que c'est juste la petite vis là, qui va faire, qui va pouvoir toutes les réajuster, là. Mais sinon, ouais. Dans un pit, il faut faire attention à ce qu'on transporte. Sinon, disons que pour notre matériel, pour nos petits vêtements, pour nos petits accessoires, ça peut... ils peuvent ne pas toffer la run du tout. Et j'ai pas été surprise là-dessus. J'ai été surtout bien heureuse de voir comment les fans étaient vraiment au rendez-vous pour la SAT, pour les festivités de CISM. Et quand je dis très fervent comme crowd, t'sais, en avant, là, ils connaissent les paroles, ils les chantent. Il y avait une fille à plusieurs reprises, elle était quand même invitée là, à chanter dans le micro, puis ça a souvent été elle. Je dis elle parce que ça, c'est très drôle, puis c'est vraiment juste un hasard. Là. Je l'ai repognée dans le métro, puis elle jasait avec son amie, puis elle était comme « Ah mon Dieu, c'était tout le temps moi qui chantais dans le micro! » Là, je l'imite mal, mais elle avait une voix plus aiguë que moi, mettons. Là. Puis elle était comme « Ah mon Dieu, tout le monde m'entendait chanter! » C'est vrai qu'on l'entendait vraiment, vraiment chanter, mais c'est sûr que comparé comme la voix d'un rappeur gars puis la petite fille qui répète les paroles, ben c'est sûr qu'il y a un clash, là, on l'entendait. Mais beau moment de gloire! Elle était dans la fille, je pense qu'elle était à un moment donné sur les épaules de quelqu'un. Écoute, de la folie, mais jamais incomparable au trash de ce genre-là. Il y a quelque chose qui me fascine encore, l'espèce de différence entre un pit de rap puis un pit de rock. Rock dans son sens large, là. Punk rock, metal, alouette. C'est juste qu'il y a quelque chose de vraiment différent. Quelque chose de très flou dans les limites, justement. Mais c'est dans la technique puis dans la mentalité de le faire. C'est niaiseux, l'image que j'ai, mais je crois que c'est la plus juste pour définir... pour définir un tuage de Lord Larry. C'est un peu comme un concentré de la crowd qu'il y avait à la Saint-Jean-Baptiste sur les plaines d'Abraham dans la période pré-la bombe. C'est le gros bordel, mais ça marche! Ça marche, c'est surtout ça le point. C'est que il y a pas tant de monde. Oui, il y a du monde qui tombe, mais étrangement, tout le monde vacille. Tout le monde est égal. Ça calme. Ah, tout le monde en revient. Ah, viens me chercher. Ouais, tout le monde est un peu en naufrage. Là, on est tout en train de... Ah, viens me récupérer, mon ami. Ah, ma sacoche. C'est un peu n'importe quoi. C'est un peu n'importe quoi, mais incoordonné. Il y a tellement de non-coordination dans tout ça. Aucune technique de trash qui fait en sorte que ça fonctionne, qu'il y a une étrange harmonie dans ce qui n'en est pas du tout. Et je pense que c'est ça que je trouve beau. C'est tough à vivre. Si, mettons, t'es au centre, là, tu sais pas ce qui se passe, t'as peut-être un peu le goût de disparaître. Mais entre ça, t'as juste à rentrer dans le trash, puis là, tu te laisses entraîner. C'est quand même... C'est demandant physiquement, là, par contre. Là, c'est pas léger, mais une sensation particulière et que juste dans les shows de rap qu'on peut retrouver et qui était présente tout le long, mais quand même, dépendamment des chansons, ça pouvait aussi se calmer, ça pouvait pratiquement arrêter... même arrêter, j'irais jusqu'à dire ça, oui. Et à redémarrer quand les tunes étaient vraiment folles. Et ils ont joué leurs grosses tunes aussi. C'était présent, le trash, puis il y allait l'être tout le long. J'avoue que je suis restée pas mal au centre tout le long du spectacle. Un peu en accalmie sur les poteaux de béton là, qu'il y avait. Et je pensais que c'était un peu une zone relaxe. Tu sais, accoudée, je regardais le pit, je me disais, j'ai trouvé comme la place sereine. Ah, repos. Mais pas tant, parce que si tu te tassais la tête, il y avait aussi comme des espèces de fils de métal, là. Fait qu'il fallait attention aussi que tu te places, parce que sinon tu le recevais dans la tête, là. Ça, c'était pas agréable. Je me suis dit, hey boy, le calme, il va avoir duré 2-3 secondes. Fait que, ouais, même si t'es relativement proche de l'action, mais pas dedans, ça se peut aussi que tu reçoives des coups ou des coups de béton inattendus. Oui, c'est possible, je te le confirme. Sinon, aux alentours, plus loin même dans la crowd, j'ai vu des espaces un peu vides qui... avec du monde en même temps qui avait l'air un peu de danser. Je crois qu'il y a eu certaines pistes de danse un peu plus éloignées. Alors, ça va être critique de crowd. Je ne suis qu'une seule personne. Je n'ai qu'une seule bouche et deux yeux. Fait que je te fais un seul compte-rendu avec comment je l'ai vu. Mais probablement qu'il y avait différentes actions dans la foule parce que oui, il y avait du monde et que non, pas tout le monde non plus veut s'énerver dans ce pit chaotique. Alors, voilà, voilà. Lord Larry, on va écouter No Fucking Way. Tight say murder ho. No, don't slow down to the time to turn up. Okay. Purple vodka, not a styrofoam cup. Okay, okay. Do a lot of drugs or die trying. Champagne sipping down the back alley. Get that money, yeah, spend that money tonight on Deputy Cascada. Okay. Word. Body surfing in church. Salamence par un soir de semaine. Blasphème on cœur. Zeus. Tomboy joue at the fur. Beetlejuice, Beetlejuice. Oh my god, I mean, oh mon dieu. Rap cap, j'suis comme no man. Only fuck with my crew, but bromance. Pardonne-moi si j'te regarde, oh, mais c'est le lifestyle d'un low man. Mon pen game is so ignorant. J'serais un écrivain si j'avais give a shit. I mean, Hemingway reste un heavyweight. Yeah, to make it rain, so these strippers. Ain't no hipster, fuck ce que t'as lu dans le journal. It don't mean shit si c'est pas sur Worldstar ou sur Mooklight. Ever since day one, I've been winning big. On apprend nos erreurs, well, I'm still ignorant. I gotta do it big, shot a pression on my shoulders. Bitches wanna fuck me, les gars, but they dans mes shows. Wanna be my friend, okay, laisse-moi y penser. Okay, no fucking way, j'ai dit no fucking way, j'ai dit no fucking way. Tu veux que je te paye un drink? J'suis comme no fucking way. J'ai dit no fucking way. J'ai dit no fucking way. Tu veux être sur ma guest list? J't'ai dit no fucking way, bitch. Toutes mes cougars vont chasser toutes mes good girls. Go ratchet, smith à cook des drugs en cachette. Mes pixie chicks right sans les mains. Ces petites pilules sans l'endemain. Act the fool, sur rocket fuel. Taking back to school, no Charlemagne. Ok, pendant que Philly criait word up. Pendant que Jarrow criait murder. Moi j'étais dans my land, real drunk. En train de crier, let's get turned up. Loud Labby, Thirsty Tuts. Don't tell me, c'est the big A just. NPC, Renaissance, man. AKA Biscuit Gloves. Les ballerines de God of God qui lead the way. Mélange de Brigitte Bardot, Little Rascals. Plein de pills en Philly sur un javelot. Whoa. My God, no big chains on my clavicule. Mais une chose que tu peux pas acheter, c'est mon attitude. And I don't give a flying fuck about it. Translate pour les gars en région, ça veut dire j'm'en calisse. Puis fuck ce que t'as lu dans Price Boy. André Pratt, c'est un Pekis. Puis si moi j'te hipster, me too, c'est une candidate à la Maggie Beats. I gotta do it big, shot la pression on my shoulders. Bitches wanna fuck me, les gars, but they dans mes shows. Wanna be my friend, okay, laisse-moi y penser. Okay, no fucking way, j'ai dit no fucking way, j'ai dit no fucking way. Tu veux que je te paye un drink, j'suis comme no fucking way, j'ai dit no fucking way, j'ai dit no fucking way. Tu veux être sur ma guest list, j't'ai dit no fucking way, bitch. Hey, no fucking way, ça, c'est toujours agréable d'écouter des chansons qui nous permettent de sacrer sur les ondes de CISM. Hey, j'ai été dérangée par Denis Poirier, ou plutôt agréablement surprise. Et il y a de la visite, il y a de la crowd, chers auditeurs de CISM. Dites bonjour, crowd. Allô! Fait qu'on est entouré d'étudiants de Montmorency, mais qu'est-ce que vous faites ici? On est venu faire une visite un peu du studio et tout, et puis poser des questions au directeur ici. Ah ben oui, Étienne. Alors, de futurs animateurs de la station? Peut-être, yeah. Oui. Surtout, c'est une bonne occasion. Écoute, un quart de siècle, c'est le temps d'arriver à la station. Et, information pour tous les auditeurs en même temps, c'est la soumission de projet pour la saison estivale. Il y a de la place en masse dans les corps horaires. Fait que, et sinon, hey, par curiosité, ma bande de jeunes, c'est quoi le dernier spectacle que vous êtes allé voir? Hein? Half Moon Run, il y a comme 2 jours. Hey! 3 jours. Puis la crowd, c'était comment? C'était quand même intense, là. Les gens étaient dedans, là. Même si c'était une nouvelle chanson. Oh, nouvelle chanson dans le sens que... Ben, nouvel album. Qui fait qu'on connaît pas assez les paroles, fait que là, tu peux pas comme... Exact. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y en a un autre parmi vous qui a vu de la belle crowd récemment en spectacle? Oh! Jean Leloup, il y a 2 mois aussi. Ah, oh, ben, pareillement, t'es une vraie habituée du Métropolis, finalement. Exactement. Eh hey, bien, merci de cette merveilleuse visite. On va les laisser vaquer à leurs occupations. Merci. Bye bye. Écoute, cette semaine, c'est la folie furieuse à la station. Et oui, de la magie qui se passe, critique de crowd. On leur dit bye bye. Bye bye. Et on est au troisième jour des festivités de CISM, tout autant de foule comme en studio. Et c'est Hidalgue et les Hôtesses de l'air et Galaxy, du rock. Quand même tranquille pour Hidalgue. Première partie oblige la tranquillité. Ah, il y avait quelques fans assez intenses en avant de la scène. Qui levaient les bras, qui criaient. Et j'ai trouvé que ça faisait une drôle de proportion avec le groupe. Ils sont 6 membres et il y a le tambouriniste. Il n'y en aura jamais assez dans la vie de tambouriniste dans des groupes de musique, je vous le dis. Et il était tout à fait énervé, comme le faux quand on est un tambouriniste. Et il s'énervait, il gesticulait, il allait tambouriner un peu partout sur scène. Et justement, il est 1/6 et je crois que peut-être on pourrait faire un drôlement biaisé, mais un calcul comme quoi peut-être qu'un sixième de la foule était drôlement énervé. Un autre 1/6, parce que le guitariste aussi, il a une certaine énergie quand il joue, mais il est dedans, il est concentré. Je trouve qu'il y a un autre 1/6 de la crowd qui représente ça. Et finalement, le 4/6, je sais que je pourrais réduire mon pourcentage, là, ma fraction. Je suis vraiment désolée, on ne fera pas de mathématiques en ce moment, saison de CISM. 4/6, le 2/3 de la foule est attentive et fait sa job, comme le groupe. Ils sont là, ils sont présents, ils jouent de la musique, c'est pas mal ça leur job. Puis notre job comme crowd, en général, c'est pas mal écouter. C'est donnant-donnant, c'est efficace, simple, mais efficace. Fait que je trouve que c'est drôle à dire, mais Hidalgue, sa crowd est très représentative du groupe. Alors voilà, c'était mon moment mathématique poche, mais tout aussi apprécié de Hidalgue. On va continuer en musique aussi avec Hidalgue, la trancheuse qu'ils ont joué durant la performance qu'ils ont faite durant les sessions live les jeudis soirs. Fait que si t'écoutes Critique de Crowd, tu laisses ta radio allumée, puis boum, plein de groupes font des prestations, puis c'est assez magique. Hidalgue, chanson qui ne se retrouve pas sur leur dernier album Post-Dynastie. Alors, vous êtes bien chanceux de l'entendre en ce moment sur les ondes de CISM, La Trancheuse. Et voilà peut-être le plus gros coup de cœur de bien des spectateurs qui étaient peut-être venus pour Galaxy et qui ne connaissaient pas beaucoup les Hôtesses d'Hilaire, parce que j'ai eu vent comme quoi, ça a été la découverte de nombreux auditeurs, ou en tout cas, ils ont bien vendu des albums après le spectacle Les Hôtesses d'Hilaire. Mais quelle performance! J'avais aussi entendu dire comment ils étaient des performeurs. Effectivement, si vous aimez des shows avec une certaine théâtralité, mais quelque chose de très simple. On n'est pas dans les grands accessoires. Oui, le chanteur, il y a une espèce de grande tunique orange, mais bah, moi, je trouve que ça fait partie de son habillement. Il pourrait s'habiller de même. Moi, ça, je sais pas. Mais quoi? C'est vrai, je veux dire. On sait pas comment il s'habille le reste du temps. Là, peut-être qu'il s'habille tout le temps de même. Si il fallait que je dise que c'est un costume, ce serait insultant. Mais ouais, on n'est pas dans les costumes, dans les accessoires. Oui, les accessoires, mais c'est pas quelque chose de clownesque, grotesque. C'est des accessoires, mais c'est drôle comment ils sont très bien incorporés dans la prestation. Justement, le chanteur qui lance dans d'une boîte des pétales de rose dans la foule. Il a lancé la boîte par la suite. Ça faisait un tout. Tout fonctionnait. Et la réception du public, jamais on sent une interrogation, une incompréhension, un jugement, un humour mal interprété. Je trouve que les gens, quand ils riaient, c'est parce que c'est vrai que c'était drôle, et ils étaient attentifs tout le reste du temps. Mais une très belle participation. À un moment donné, il nous dit de faire chatouiller les pieds de Jésus. Alors, il faisait guili, guili, guili. Ouais, chatouiller, mais pas comme aïe, aïe, aïe. Guili, guili, je sais pas si ça me fait plus rire que chatouiller. Chatouiller, faut-tu absolument que je rie en échange? Je sais plus le processus. Je pense que c'est rare qu'on chatouille du monde, et encore plus du monde invisible, encore plus les pieds de Jésus. Fait qu'on faisait des guili, guili, et ça a été quand même un bon 30 secondes, et les gens ont persisté. C'était pas « Ah, on va arrêter, ah, mou, tu sais, ah, faut tenir l'action. » C'était très tenu, justement, comme prestation, et on les maintenait, tout comme « Levons notre verre ». Le chanteur prononce cette phrase et maintient ce silence. Et ce sera incomparable à ce que moi, je viens de faire, parce que non, je ne vais pas me taire durant 30 secondes sur les ondes de CISM. Je pourrais, mais ça se peut que si tu ouvres ta radio, tu te demandes si tu as pogné le bon poste, puis là, ça pourrait comme être un très mauvais quiproquo. Fait que je le ferai pas. Un silence si long que les gens, ils se demandaient. Puis en même temps, non, il n'y a pas eu de fou rire, de mal à l'aise. Non, c'est... On l'a vécu, ce moment-là. On a tout compris dans quel objectif il faisait. Il fait « on levons notre verre à tous ceux qui... » Et on ne le dira jamais, on ne le saura jamais. On ne portera son toast à personne. J'ai adoré ce moment. Vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui se passait avec le groupe puis avec la crowd. C'était super, super. Il y a eu finalement... trash! Il y a eu finalement énervement. C'est le fun, oui. C'est pas mal passé. C'est drôle. Durant, je vous dirais, les dernières minutes d'un long moment instrumental, je crois que c'est une espèce de momentum, une note particulière qui a fait que, boum, c'est explosé. Et ça s'est poursuivi avec la chanson « Regarde-moi ». Oui, je trouve que ça fonctionnait aussi musicalement, l'énergie, c'était bien propice. Le seul truc, c'est que... ça, c'est toujours un peu désagréable. Ces gens... qui peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas dans ton corps. Peut-être que tu as trop bu. Peut-être que tu ne sais pas certaines conventions crowdiennes. Peut-être que tu es dans un je m'en foutisme profond. Peu importe la raison, ça se peut que tu tombes trop souvent dans le pit. Ça se peut que tu pousses les mauvaises personnes. Ça se peut que tu pousses tout le temps les mêmes puis ils sont même pas dans le trash. C'est toujours un peu incommodant pour tout le monde. C'est un peu triste aussi que personne intervienne. Et moi-même, je suis fautive, je suis pas allée le voir dire « Hey garçon, t'es-tu encore correct? T'es-tu capable de rester dans le pit? » Parce que même Wikipédia, il te le dit. Il y a une section précaution pour dans les trash. Ça te dit genre « Si t'as trop bu, tu peux pas. Si tu portes trop de bijoux, tu peux pas. » Non, il dit juste que tu vas te faire arracher le d'oreilles, si tu portes des grosses boucles d'oreilles, là. Mais... mais vous comprenez le principe. C'est que faut aussi être apte d'être présent physiquement. Et c'est toujours un peu dommage parce que pour toi, c'est dangereux. Oui, ça se peut que tu te fasses mal et qu'on ne veut pas que tu te fasses mal parce qu'en ce moment, tu ne te gères plus toi-même. Si tu ne te gères plus toi-même et qu'en plus, tu es dérangeant pour les autres, c'est dommage. On vient de gâcher une certaine partie de plaisir pour tous. Puis je l'ai senti. J'étais triste. Ouais, c'est un peu dommage. Je pense que c'est le seul bémol des Hôtesses d'Hilaire. Mais ouais, voilà. Hey, gestion de votre party animal, les amis. Sur ça, on va continuer en musique. Machine à boire, machine à bière. Ça, c'est le vrai titre, machine à bière, les Hôtesses d'Hilaire. Les Hôtesses d'Hilaire, Touche-moi pas là, c'est un merveilleux album qui contient la chanson Machine à bière. Et voilà bientôt la fin de Critique de Crowd et aussi des critiques des festivités du 25e anniversaire de CISM avec Galaxy pour terminer le tout. Et encore une fois, je suis bien heureuse pour... Il me semble qu'ils ont fait dernièrement aussi cet automne un show Club Soda, mais leur foule était encore bien présente et plus intense que la musique. Oh oui, on va le dire ainsi. C'est fou. Je veux dire, oui, ça porte à danser, s'amuser, ça porte à s'énerver, mais un trash de cette puissance-là, j'étais surprise. C'était vraiment un niveau au-dessus de la musicalité, complètement. Mais est-ce grave? Tout le monde avait l'air de trouver ça bien plaisant. Fait que tant mieux. Je trouve que ça avait aussi un style de trash. Je sais pas, qu'on retrouve en festival, justement pour l'aspect festif. Mais aussi, il y a quelque chose de lourd, léger. Peut-être que cette lourdeur-là dans les mouvements et cette intensité supplémentaire n'est simplement révélatrice de l'amour. Ah oui, l'amour qu'on porte pour le groupe. J'ai vraiment ce feeling-là. J'ai pas l'impression que c'est à cause des référents culturels. Je sais pas, le monde portait pas assez de t-shirts de leur groupe métal favori, mettons. Enfin, je pourrais pas dire que c'est à cause que leurs autres référents musicaux est plus brutal que Galaxy. Aucune idée. J'ai juste l'impression qu'ils sont tellement heureux d'être présents qu'ils sont plus intenses. Je sais pas, parce qu'il y avait pas d'agressivité, pas de hargne, c'était... Oui, de l'amour de crowd transmise, de sueur. Sinon, c'était quand même variable, parce qu'étant donné aussi les chansons, ça pouvait changer, mais c'est quand même étonnant comment le trash pouvait être plus en longueur de salle et moins en largeur, puis tout d'un coup, ça a quand même été modifié plus en longueur. Oui, une géométrie variable. Sinon, en avant, j'étais bien installée pour regarder le spectacle et boum, je finis en body surf. Je dis boum parce que j'ai été comme supportée comme ça par un grand hasard. Un grand hasard parce que j'avais tellement peur de perdre mon calepin de notes que ceux qui étaient dans la salle, peut-être vous m'avez entendu. Tu sais, je commence mon body surf, c'est tranquille, c'est le fun, mais je gueule. Divan viril, récupère mon calepin! Il était juste à côté de moi puis je voulais pas le perdre et je le remercie encore. Merci Divan parce qu'en ce moment, il y aurait juste pas d'émission de Critique de Crowd. Il y a peut-être 3 jours de notes, t'imagines-tu? Fait que, ouais, j'étais heureuse de body surfer. Un body surf quand même plat. Tu sais, je restais planche de surf, mais fort agréable. Quand je dis calme, c'est parce que des fois, c'est tellement énervé puis ça gigote de partout en dessous de toi que t'as pas la sensation d'être supporté par toutes sortes de mains là, qui te supportent. Mais là, oui, cette sensation... là, ça a l'air tactile. Il y a personne qui m'a taponné, là, je tiens à le spécifier, mais tout simplement de sentir un peu comme la vague. Sentir la houle. C'était beau, c'était tranquille, mais intérieurement, j'étais vraiment stressée de perdre mon calepin. Et je crois que ça a amené 2 autres body surf. C'était les seuls la soirée. On était vraiment centrés sur le trash, sur sur ce type d'énervement-là. Et c'est bien parfait aussi. J'ai apprécié la performance du groupe, vraiment. Et c'est la même chose pour tous les autres qui ont été présents pendant les 3 jours à la SAT, Club Soda, Divan Orange. C'est leur présence scénique qui a fait toute la différence, oui, sur mon appréciation personnelle et j'ose croire sur la foule. Pour moi, c'est un... comment dire, quelque chose de professionnel. Ça sonne pourri, hein, professionnel. Tu sais, je veux pas qu'un groupe de musique soit professionnel, c'est un peu laid. Tu sais, professionnel, ça porte une cravate. Mais tu peux aussi porter ta cravate façon Windsor, un beau nœud, quelque chose de beau, esthétique. Mais pour moi, c'est un peu ça. Les groupes, ils étaient pros parce qu'ils avaient une présence. Ils rayonnaient, savoir être présent physiquement sur scène. C'est comme s'ils savaient recevoir l'éclairage, savoir que ton corps est vivant. Et oui, tu connais tes chansons par cœur et tu les exécutes super bien, mais c'est là de les amener à un autre niveau. Cette présence de corps, d'esprit, scénique, je l'ai retrouvée dans tous les groupes et ça, je trouve que c'est beau à voir sur scène et c'est ce qui fait toute la différence aussi entre une performance quelconque et un moment, ouais, un moment de spectacle. Alors, merci tous les groupes pour cette brillance scénique. J'ai adoré. Je m'appelle Critique de Crowd, mais mon vrai nom, c'est Jolaine Ruet. Je vous remercie, chers auditeurs, d'avoir été présents aux festivités. Je vous remercie d'écouter l'émission. Vous êtes bien adorables. Pour des suggestions, n'hésitez pas, le Critique de Crowd Facebook. Tout ça, ça va ensemble. C'est bien magique. Sur ce, ben écoute, on se dit surtout à la semaine prochaine. Bye bye. Les 11, 12 et 13 avril, les Francouverts sont en demi-finale au Lion d'or avec Mondou Seigneur, Contex, Fudge, Les Passagers, Édouard VII, Caltor Bateau, La Famille Ouellet, Saramé et Simon Daniel. Et pour célébrer le 20e anniversaire, La Patère Rose, Bernard Adamus et Loco Locas. Plus d'informations à francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de SiriusXM. L'été s'annonce inoubliable avec la 28e édition des Francopholies de Montréal. Sur scène, l'une des plus belles révélations de la chanson québécoise, Safia Nolin. Une soirée de love suprême avec Corias, les textes crus et mordants de Bernard Adamus, et une soirée tout en humour avec les trois accords et les pièces de leur nouvel album. Billets et encore plus au francopholies.com, présenté par Bell en collaboration avec Ford du Canada, en association avec La Presse Plus et CISM. On annonce 40 tout l'été. Étudiants ou gradués 2016? Du 4 avril au 9 mai prochain, inscris-toi au forfait estival à la salle d'entraînement du CEPSUM pour aussi peu que 40 $ pour 4 mois. Visitez le cepsum.umontréal.ca pour tous les détails. De retour à Montréal, Cage the Elephant avec invités très spéciaux Portugal the Man et Bruncho le mardi 10 mai au Centre Bell. Ne manquez pas une soirée électrisante. Cage the Elephant avec Portugal the Man et Bruncho. Billets en vente dès maintenant au 1-855-310-2525 ou via evenco.ca. Pour plus d'informations, visitez cagetheelephant.com. Présenté par Evenco. Animé à CISM est à la portée de tous. Que tu sois étudiant ou non, envoie-nous ton projet d'émission avant le 8 avril et cours ainsi la chance de faire partie de notre programmation estivale. Que tu traites information, jazz, environnement, musique du monde ou peu importe le sujet, nous attendons ton ébauche. Pour plus de détails, visite notre site Internet au cism893.ca. Cette semaine, les promotions Propaganda vous proposent comme sortie culturelle. Le Vivier, les productions Super Musique, la SMCQ et l'année Jean de Rome vous présentent Jeux de piste, le 8 avril à 20h au Jésus. Aussi, à ne pas manquer, le Vivier et Brady Works présentent le concert Instruments of Happiness, sans guitare électrique, le 9 avril à 20h au Jésus. Pour information, levivier.ca. Omnibus, le corps du théâtre, présente Plywood, un show sur le rough, objet théâtral inusité signé Réal Bossé, mettant en vedette le corps et l'esprit de 10 jeunes créateurs interprètes et 3 planches de Plywood. À découvrir du 5 au 30 avril à Espace Libre. Informations et billets au mimeomnibus.qc.ca. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Hey, salut les jeunes. Salut les jeunes. Hey, salut vous autres, mesdames, messieurs. Merci. Puis toi aussi, le gars. Hello. C'est pas juste fait pour les petits casques. Je suis enceinte. Ouais, c'est moi, Séraphin. Ici Jean-Pierre, Maxime Auclair, Pierre-Luc Massé. Se sont parlé de nos soldats qui sont morts avec fierté pour la patrie. J'ai les mains trempées.